démonstration que la demande de justice de At-Tarut est une croyance en lui. Première preuve. Le Très-Haut a dit: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60, de la traduction relative et approchée. Premier aperçu de l'argumentation de ce verset. Si le verbe adorer est suivi de statue, d'idole ou tarut, puis qu'il y ait une ordonnance d'y croire et de s'en écarter, cela veut dire que ce verbe est une adoration pure pour Allah et celui qui l'attribue à autre qu'Allah tombe dans le grand shirk. Sulayman ibn Abdullah al-Shir, rahimahullah, a dit dans son livre Taysir al-Aziz al-Hamid à la page 419. Dans ce verset se trouve la preuve que délaisser le jugement de Tarut, c'est-à-dire tout jugement autre que le Coran et la Sunna, fait partie des obligations de la religion. Et celui qui demande justice à Tarut n'est pas croyant et encore moins musulman. Fin de citation. Second aperçu de l'argumentation de ce verset. Allah a déclaré que celui qui demande justice à At-Tarut est croyant en lui. Le savant Muhammad Jamal ad-Din al-Qasimi, rahimahullah, a dit dans son tafsir, connu sous le nom de Al-Mahassin al-Ta'wil, concernant le verset cité précédemment. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent? Tout d'abord, Allah a dit, ils veulent prendre pour juge le Tarut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Allah a rendu la demande de justice à At-Tarut comme croyance en ce Tarut. Et nul doute que la croyance à At-Tarut est de la mécréance en Allah, tout comme mécroire à At-Tarut est une croyance en Allah. Abdurrahman ibn Hassan al-Ashir, rahmahullah, dit au sujet du verset où le Très-Haut dit: donc, quiconque mécroit au Tarut, tandis qu'il croit en Allah, Sourate 2, verset 256. Il dit, c'est ainsi que la demande de justice à At-Tarut est une croyance en lui. Voir dans Fath al-Majid, page 345. Troisième aperçu de l'argumentation de ce verset. La parole du Très-Haut. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Allah nous a expliqué dans ce texte que la grande mécréance est un égarement lointain et une grande perdition. Comme dans sa parole, quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 116. Ce verset prouve que l'égarement lointain est bien le grand shirk. Allah le Très-Haut dit, ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, tel est l'égarement profond. Sourate 22, verset 12. Donc celui qui invoque autre qu'Allah s'est certainement égaré très loin dans l'égarement, parce que l'invocation à autre qu'Allah fait partie du grand shirk, du grand polythéisme. Et celui qui demande justice à une autre législation que celle d'Allah s'est certainement égaré très loin dans l'égarement, car la demande de justice à At-Tarut fait partie du grand shirk. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Sourate 12, verset 40. Aperçu de l'argumentation de ce verset. Allah le Très-Haut a fait une introduction en disant « Le pouvoir n'appartient qu'à Allah », c'est-à-dire qu'il est le juge et le législateur, et ceci fait partie de Ar-Rubiyya, la seigneurie, parce que le fait de légiférer et de tirer des règles fait partie des actes d'Allah spécifiques à sa seigneurie. Et pour parfaire la croyance en Ar-Rubiyya, il faut At-Tawhid dans l'adoration. Parmi les actes d'Allah, c'est lui qui pourvoit aux subsistances à partir du néant et qui cause le bien et qui nuit. L'adoration qui doit donc lui être attribuée est l'invocation en lui demandant la subsistance et l'imploration, car c'est lui qui cause le bien et qui nuit. Si une personne croit que c'est Allah le Très-Haut qui pourvoit aux besoins et qui aide celui qui est dans une situation critique, mais qui, malgré cela, invoque Al-Badawi ou bien Al-Jilani et l'implore, alors sa croyance et sa reconnaissance en Ar-Rubiyya, la seigneurie d'Allah, c'est lui qui pourvoit, qui cause le bien et qui nuit. Ils lui seront d'aucune utilité. En effet, il est devenu associateur dans l'adoration, car il voue son adoration par l'invocation et imploration à autre qu'Allah. Il en est ainsi pour celui qui croit et qui reconnaît que c'est Allah l'unique qui juge et que c'est de lui dont proviennent les jugements. Il faut alors, pour cette croyance en la seigneurie d'Allah en tant que juge, demander justice à ses jugements et sa législation. Si une personne demande justice à autre justice et une autre législation que celle d'Allah, elle aura certes associé dans son adoration et sa croyance, ainsi que sa reconnaissance en la seigneurie d'Allah, à savoir qu'il est le juge, ne lui seront d'aucune utilité. En effet, Allah le Très-Haut reviennent certaines actions et à l'homme en reviennent d'autres. Parmi les actions d'Allah, il y a la décision de jugement, ainsi que le fait de les légiférer, tandis que l'action de l'homme consiste à demander justice à la législation de celui qui décide des jugements et les légifère. Aussi, il revient à l'homme d'invoquer les biens à celui qui pourvoit à partir du néant, à savoir Allah, car il est le pourvoyeur à partir du néant. Il n'y a aucune différence chez le musulman, mouahid, monothéiste, sur le fait qu'Allah le Très-Haut est le pourvoyeur et que cela implique son adoration pour l'invocation. Si celle-ci est vouée à autre qu'Allah, cela deviendrait du grand shirk. Et quant au fait qu'Allah le Très-Haut soit le juge, cela implique l'adoration par la demande de justice. Si celle-ci est vouée à une autre législation et jugement que ceux d'Allah, cela deviendrait du grand polythéisme, du grand shirk. Et ceci est évident dans la parole du Très-Haut. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il a commencé par la seigneurie, puis l'a fait suivre de l'adoration dans sa parole. Il vous a commandé de n'adorer que lui. C'est ainsi que le Très-Haut, dans un autre verset semblable, dit « Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre, et qui n'est capable de rien. » Sourate 16, verset 73. Et il dit encore « Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Dit « Informerez-vous Allah de ce qu'il connaît pas dans les cieux et sur la terre ? Portez à lui, il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. » Sourate 10, verset 18. Parmi ses actes, gloire est portée à lui. C'est lui qui pourvoit aux besoins. Alors, l'adoration qui doit lui être attribuée est l'invocation de la demande de la subsistance. Parmi les actes, gloire est portée à lui, c'est lui qui fait le bien et qui nuit. Alors l'adoration qui doit lui être attribuée est l'imploration du secours et la demande du refuge. Parmi ses actes, gloire est portée à lui, c'est lui qui juge. Alors l'adoration qui doit lui être attribuée est la demande de justice à sa justice et sa législation. C'est pour cela que ces vérités sont devenues rares pour beaucoup de personnes de nos jours. Abdurrahman ibn Sa'di, rahmahullah, dit dans son livre « Al-Qawl al-Sadid » ala Kitab al-Tawhid, chapitre « La parole du Très-Haut ». N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire ? Quiconque demande justice à un autre qu'Allah et son messager aura pris cet autre comme seigneur et aura pris pour juge al-Tarut. On trouve dans les deux sahih que le messager faisait cette invocation lorsqu'il se levait pour prier la nuit. « Ô Allah ! À toi les louanges. Tu es la lumière des cieux, de la terre et des créatures qui s'y trouvent. À toi les louanges, toi le souverain des cieux, de la terre et des créatures qui s'y trouvent. À toi les louanges, toi la vérité. Ta promesse est une vérité, tes paroles sont une vérité. Ta rencontre est une vérité, le paradis est une vérité, le feu est une vérité, les prophètes sont une vérité, l'heure suprême est une vérité, Mohammed est une vérité. Ô Allah, à toi, je me suis soumis, à toi, je m'en suis remis, et en toi j'ai cru, à toi, je reviens par toi et je me défends, et c'est toi que je prends pour juge. Pardonne-moi donc ce que j'ai commis et ce que je commettrai, ce que j'ai gardé en secret et ce que j'ai déclaré. Hormis toi, il n'y a pas de divinité. Hadith numéro 6317, Sahih al-Bukhari. Ibn al-Qayyim, rahmahullah, dit au sujet de ce hadith, « Il a cité le rapprochement vers lui à travers ses louanges et son éloge, ses adorations, puis il lui a demandé son pardon. » Voir dans Madarij al-Salikin, volume 1, page 32. Ibn al-Qayyim, rahmahullah, a cité trois choses dans cette invocation. 1. le rapprochement vers Allah à travers ses louanges et son éloge. 2. Ses adorations pour Allah, parmi elles le retour à Allah, la confiance en lui et la demande de jugement. 3. La demande du pardon. Ceci est un argument clair qui montre que la demande de justice est une adoration, tout comme la confiance et le retour vers Allah.